les sons et les lumières s'unissent et ce train se pavane dans un paysage des Alpes suisses. Il ne connaîtra pas la déjà tes bagages.